Comprends-tu? C'est l'histoire d'un couple qui s'en va dans un hôtel au 20e étage. La femme va pas très bien, est dépressive, suicidaire, elle veut se tirer en bas de la fenêtre du 20e. Le bonhomme, son mari, descend en bas, va voir le réceptionniste, puis il dit « Hey, ma femme va pas bien, elle veut se suicider, elle veut se tirer par la fenêtre. » Là, le réceptionniste dit « Écoute bien, là, moi, je m'occupe pas de la vie privée des gens, mais hey, attention, non, c'est pas ça le problème, c'est que la fenêtre ouvre pas. » Ouais. Aujourd'hui, lundi 30 septembre 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Hey, la fenêtre ouvre pas, mon kiki. Ah ouais, l'émission va s'ouvrir, elle. Ah, on y va. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Et oui, là, c'est parti! Thank you. Harvey Bristol Cream. Attention. Allô? Harvey? Oh. Gaétan, on est en communication. On est en communication. Harvey? Ça commencerait, je pensais même pas. T'as dit les mots magiques, Harvey Bristol Cream. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils s'en viennent. Harvey? Il parle le 9 août, Yannini. Plus on s'avance vers le 9 août, plus il y en a! Des mots doux, pas des mots doux, des fous. Dis-moi fou. Hervé, non, ok. Bristol Cream! Déjà. Hervé! Hervé's Mr. Scream! Attention, couchez-vous dans les airs. Oh. Je répète, couchez-vous dans les airs. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de me coucher dans les airs. Puis là, en criant comme ça, j'écris pas, j'essaye de léviter. Ça va bien? Allô? Hervé's? Hervé's Mr. Scream? Qu'est-ce que tu fais? Je répète, couchez-vous. Oui, monsieur, là, je crois qu'on va se faire arrêter. Pour deux raisons. Le dégonfle un peu l'image. Les gens qui nous regardent vont avoir mal au cœur. Bon, dégonfle l'image. Puis laisse-toi un peu d'air. Bon. Que là, Hervey, ça va, là. Ça peut être un nom. Un nom anglais. Puis, qui? Il s'en va tant, bon machin. Vide, winner, oui, c'est... Non, ça peut être des Anglais. Ah, c'est ça, des Irlandais, des Islandais, des Isis, attention, couchez-vous dans les airs. Oui. Je répète, couchez-vous dans les airs. C'est ça qu'on va faire, là. On va essayer de se coucher par terre avant, puis si on se laisse monter par des grosses ballons, on a plutôt des grosses ballons, on mange des hamburgers. On mange la frite, la grosse frite. Graisseuse, vas-y, les grosses ballons, on va monter les grosses ballons. Oui, Harvey, oui, je sais. Bristol Cream, là, je peux pas, c'est crème Bristol. Hein. Crème Bristol. Hein. Non, ça communique mieux en anglais. Tant mieux, on s'en ira pas là-bas. On préfère demeurer ici. Nous déménagerons sans doute lorsque le camion viendra nous chercher. Le camion d'ordure? D'ordure. Car, comme le disait mon ami qui s'est fait sucrifier avec des pâtes alimentaires. Mais non, c'est du sucre sucrifié. Ah, c'est vrai, ça. Du glucose barbène. Barbène. Oui, Gaétan Barbène. Tu l'as jamais connu? Ben, en fait, oui. Tu l'as croisé trois fois, puis elle voulait pas te rencontrer. Parce que s'il dit, c'est pas mon gars, c'est pas mon gendarme, ben, tu voulais pas te marier avec? Oh, moi, je veux me marier avec personne, y a personne. Même les astres me fuient. La lune me fuit. Le temps me fuit. Les idées me fuient. Le passé me fuit. Et je me fuis moi-même. Oh, je me fuis un jour où j'étais heureux. Non, c'est. Il fit un jour où Pompon Rénal était peureux. Ah oui, il regardait le ciel, puis il dit, ah, il fait noir! Le noir engendre le noir, donc je me remémore des choses malsaines. Pas beau, là, le côté malsain de l'existence, là, c'est vraiment pas beau, c'est même, en résumé, là, ça peut être laid. Pour ça, j'ai tout enlevé les miroirs de mon domicile. J'ai placé ça sur le toit. Je me suis dit, un jour, lorsque je voudrais fêter, puis faire, tu sais, des petites soirées sur les toits, mais moi, mais en plus, il est en pignon. Il va falloir se tenir avec des cordages. Ah, à la fin de la soirée, tout le monde va être pendu. Les impôts vont gratter, ils vont faire des enquêtes. Soirée étrange au domicile d'un animateur radio et d'une station underground de la ville de Québec, CKRL. Avait, depuis quelques années, laissé la place à un animateur des plus, pour ne pas dire. Un soir, il avait invité des êtres un peu parsemés, étranges, dans l'underground. Il fit une fête sur son toit. Il cherchait la chatte, sur un hein, sur une chatte tombait un toit. Deux toits sans moi, une chatémoise. Ça, c'est une race, ça fait monsieur, la chatéloise. C'est de toute beauté. Ça, c'est gris, puis ça perd ses poils. C'est dégriffé. Mais là, au niveau de la. Parce que c'est une chatte. Au niveau de la chatte, elle fait un beau. Puis tu la flattes. Puis là, à un moment donné, c'est comme un porc-épic, elle. Porc-épic. Ouais. Eux expulsent leur, leur dard. Elle, discrètement, retire son poil. Et là, tu te retrouves avec des touffes entre les mains, sous les ongles. Et là, le chat fait... Puis il perd tout son poil, puis il n'a plus un poil, puis il plie. C'est la peau. Il te fait la peau. Et puis toi, eh bien, toi tu te retrouves avec... Plein de piles. Puis là, c'est son moyen d'aller se plaindre à la SPCA. Ces chats-là sont faits pour se faire prendre comme victimes. J'ai les poches sous les yeux, bien remplies, derrière des verres fumés, au regard immobile. Derrière une baie vitrée qui donne sur le vide des sentiers qui ne mènent nulle part. Et qui laisse sur le bord, dans la marge. J'ai dans les yeux la poussière du temps. J'ai dans les yeux la poussière du temps. Le fond, les failles qu'on a touchées du doigt. Qu'on a touchées du doigt. J'ai rongé mes refrains jusqu'à l'os et j'ai bu le calice jusqu'à l'alali. Ils arrivent à la SPCA. Ils racontent leur histoire, là, la madame de la SPCA. Ouais. Ah, pas vrai. Ben, voyons donc. Avez-vous l'adresse? OK, numéro de téléphone. OK, on va les appeler. Non, non, Rita, appelle-moi ça, c'est des individus qui font peur à des chats et qui les amènent comme ça, pas de poil, ils sucent les tons, ces chats-là. Hello? Attendez, madame, avons-nous... Ces chats-là. Ces chats-là, comment ça il dit ces chats-là? Hello? Parce que vous avez dit, madame, pendant l'enregistrement, ces chats-là, comment ça, allez-y, allô? Allô? Madame? Allô? Ça va bien? Allô? Bon, nous avons ici... Nous avons ici votre animal domestique. Hein? Oui. Non, c'est pas votre mari. Hein? Son mari. Il dort dans la niche, hein? Hein? Oh, vous voulez pas le dire à personne? Hein? Oh, tout le monde le sait actuellement, hein? Là. Ben, voyons donc, vous êtes sur CKRL, le 89.1 à Québec. Hein? Oui, mon doux. Êtes-vous membre, femme précaire? Hein? Attends, madame, vous me dites que vous êtes membre? Hein? OK. Dites-moi, là, on va fermer les ondes. Ferme-moi les ondes. Fais le micro du téléphone. Ferme-moi ça. Donnez-moi votre numéro de membre, parce que moi, j'ai toute la liste, là. Je vais pouvoir vous localiser. Qui dit localiser, dire trouver le domicile. Qui dit trouver le domicile, veut dire aussi frapper à votre porte. Frapper à votre porte pour vous remettre votre chat, pour savoir des explications. Pourquoi n'a-t-il plus de poils? Alors, donnez-moi votre carte, votre numéro de carte de CQRL. Ben. Regarde ça dans la liste. 18 chiffres, madame. Il me semble que c'est 6 chiffres et moins. 18 chiffres, toi, là. Est-ce que c'est dans les dons compositions? C'est, qu'est-ce que c'est décomposé? Dans l'ordre, dans le désordre? Il y a un extra? Est-ce que je gagne de l'argent, moi, là? J'ai pas votre chat en héritage. Son chat en héritage. C'est belle. C'est beau, votre histoire, vous. Hein? Ben oui, je dis beau et belle. Belle et bonne. Comprenez-vous? Insignifiante. Continuez à rester le même. Bon, oui. Votez n'importe qui, n'importe quoi. Comme monsieur et madame tout le monde. On les aime, monsieur et madame tout le monde, parce que l'imbécilité ne tue pas, et heureusement. Sinon, il n'y aurait plus de débordement sur notre planète, là. Si tous les individus, les connards et les connasses, les troupards et les troupasses, hein? Les troupards et les troupasses, ou les spasmes, ouais, les gens qui, lorsqu'ils apprennent qu'ils ont gagné, là, ils ont gagné leur vie jusqu'à 95 ans. Je ne pourrais pas vivre jusqu'à 95 ans. J'en ai 17, je suis à moitié morte. À 95 ans, qu'est-ce qu'il va avoir? J'ai déjà 8 chambres à mon actif, moi, là. C'est sûr, quand tu t'appelles à Billy Balababou, tu finis danseuse, hein? À Billy Balababou. Madame, mademoiselle, nous avons ce soir dans votre club privé de demoiselles en chaleur, Baby Barbie-Boo, qui viendra faire son interprétation de Shirley MacLaine and the World in the My Map. My Map, My Cap, My Lap. Et elle vous dira, comme Madame MacLaine, votre astrologie, mais lira votre avenir dans le creux de vos désirs. Oh mon Dieu! Une belle soirée en perspective. On continue, on n'arrête pas. Mademoiselle, madame, mesdames, bon, soignez votre compagnie. Vous êtes débarrassés de vos maris, tant mieux. Oui, ils sont tous... Oui, tous les maris sont à la garderie. C'est la belle Graziella qui prend soin de les allaiter. Allaite-moi ça, toi, là. Ben oui, ils voudront même plus retourner dans la maison. Ils sont dorlotés. Oh, mon doux Seigneur. Monsieur le Président... Non, c'est des soirées comme ça. Là, c'est régulier. Sinon, là, je suis plus capable de vivre. Messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant. Gagné. L'absurde aventure l'ouvre. Moi, j'ai fait des miracles à Louvre. Oui, j'étais devant Louvre et j'ai dit « L'ouvre-toi! » Comme j'ai étudié le tire-bouchon pendant 20 ans à l'université du tire-bouchon. Ça, c'est à Bordeaux. Hein? Non, il y en a qui communiquent avec le vin dans la bouteille, là. Hein, qui dit, bon, ils peuvent changer le vin rouge en vin blanc. pourrais vous dire ça ce soir, il y a un truc. Il n'y a pas... Dans toutes les stratégies de magicien, il y a des trucs. Moi, je les connais par cœur. Changer le vin rouge en vin blanc, c'est très, très simple. Vous voulez savoir? Restez des nôtres. Mais puis aussi, il y a des formations beaucoup plus spécialisées. Dévisseurs de tire-bouchons. Ça, là, c'est ouvrir votre bouteille. Il faut bien sûr qu'il y ait à l'intérieur, là, qui retient le vin. Non, c'est pas de l'amidon, c'est quoi? C'est du liège. De l'amidon. Tu te sens pas venir. Ah, je la sens pas venir, là, l'amidon. Arrête, ça va virer au vinaigre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Concentration. Tu regardes ton liège, puis tu lui dis, excite-toi pas. Parce que si il décide de sortir avant que tu lui dises, coup de théâtre, plus rien ne fonctionne, le public quitte, et vous êtes devenu un pauvre type. Si vous êtes une femme, une pauvre typesse. Une typesse qui ne type pas. J'ai jamais entendu ça, une typesse. Écoutez, il y a un pape, il y a des papesses. Il y a un type, il y a une typesse. On m'a dit déjà, tu es une petite épaisse, toi, Rénal. Mais non, il y a des petites, OK? Il y a des gros tests, puis il y a des petites. Moi, j'ai passé plein de petites dans ma vie. Des petites d'intelligence. On m'a dit, ah, t'es intelligent, toi. Fait qu'il y a des petites. Faut te pratiquer tranquillement. Là, on me présentait deux doigts, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois deux directions. Le nord-sud et le sud-est. Le nord-ouest et le nord-ouest. Le nord-ouest et le nord-ouest. Ouais, le far-ouest. Au bout du far-ouest, il y a mon ami Enrico. Pas Enrico Macias, j'ai perdu 20. Non, l'autre Enrico. Là. Enrico Morricone. Il était une fois dans le bouchon. Avec, comme acteur principal, l'ami de tous, celui qui tire, le tire-bouchon! Comme comédien secondaire, le liège, on se demande toujours, on va la faire, on la fait, on l'a écouté, ça c'est le clou du spectacle. On se demande s'il neige sur liège ou si c'est liège qui neige dans le bouchon. C'est un imbécile qui... Non, c'est pas drôle. Non, je ris pas. Excusez-moi, c'est des spasmes, là. Les cheveux me tombent, là, puis c'est comme le chat. SPCA. Madame Bibo. C'est-tu beau, le Bibo? Bon, restez comme ça. Hey, la lunette, ça tombe, ça dégouline. C'est merveilleux, je vois plus rien. Oh! Faudrait que je m'essuie, la lunette. C'est pas dans après. Après quoi? Après, pendant la musique. Oh! Excuse-moi, moi, mais pendant ce que j'ai... Lorsque j'entends de la musique dans mes écouteurs, je deviens très sage et je suis en communion avec les vibrations sonores. Ouais, je pense qu'il fait du surménage. Oh non, non, faites-vous en pas. Ici, c'est le bordel. Je fais pas de surménage. Non, surménage. Ménage. Oh, je me ménage, moi, là. Je marche 20 000 par jour. En rond, là, parce que je veux creuser. J'ai pas de pelle. Fait que je marche. Je fais toujours le même pas. Le même sentier. Près du ruisseau, c'est arrêté dans ma cour nord. La cour nord, ben oui, il y a la cour sud, cour nord. Et l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. C'est quoi ça? Ça, c'est une ouverture extraordinaire que vous pouvez pas entendre ailleurs qu'ici. Tant mieux, là, parce que sinon, là... Nous apprenons à l'instant... La renaissance de la phrase c'est 6 ou 6 sont 6 ou 6 sous. Sont combien? Sont 6 sous. Malheureusement, avec le haussement, l'augmentation des tarifs, ces 6 ou 6 sont 6 ne sont plus 6 sous, mais ces 6 ou 6 sont 6 sont 666 sous. Eh hey, monsieur, jamais appris ça de même. Oui. Combien sont ces 6 ou 6 sont 6? Ces 6 ou 6 sont 6 sont 6666. On recommence tranquillement. Combien sont ces 6 ou 6 sont 6? Ces 6 ou 6 sont 6 sont 660 666. poussière sur le diamant m'avait rayé. Là, je veux pas acheter ça, voyons donc, oui. C'est la même saucisse qui était assise quand il était saucisse. Il était 6 cents avant. Pourquoi je paierais 666 pièces et 66? C'est de l'arnaque, ça? Non, messieurs, pas arnaque. Transport pour que la saucisse arrive à votre assiette. Ça vient pas des chevaux, là. Les chevaux n'aiment pas la saucisse. C'est les gros camions. Le gros camion prend beaucoup d'essence. Pollue beaucoup. Pollution dans la saucisse, pollution dans votre portefeuille, pollution dans votre assiette. Tant qu'il y aura de la saucisse, il y aura des payeurs de saucisses. Ouais, mais là, les payeurs de saucisses, moi je connais un peu. En 1927, je faisais de l'élevage de saucisses, moi, dans mon ranch, aux États-Unis d'Amérique. J'avais 18 hectares de saucisses sauvages, là, qui broutaient, là. Avez-vous déjà entendu ça, de la saucisse sauvage, là? C'est pas de la petite saucisse domestique, là, que vous mettez au déjeuner, la petite saucisse bacon. Non, non, la grosse saucisse sauvage, tu osais entrer dans le parc, là, tu te faisais manger, toutes les saucisses arrivaient vers toi. C'était un bad trip. Non, non, non, c'était un voyage chargé. Très chargé. Eux autres étaient prêts à décharger ben du gras sur toi. Si tu restais longtemps devant une saucisse qui te trouvait suspicieuse. Une saucisse suspicieuse? Ben oui. Celle-là qui tourne autour de toi en voulant faire la belle. Ça marche comme ça, une saucisse, hein? Sauvage. Là, tu te dis, voyons donc. Toute la saucisse tombait sur moi. Puis à un moment donné, derrière toi, il y a 6666 saucisses qui se préparent aspirer pour t'engraisser de toi. Pour ça que c'est de la grosse saucisse sauvage, ça mange du monde avant que tu manges toi-même. C'est malade, c'est très malade. T'en voyais pas de même ta saucisse sauvage, hein? Ça se mange avec du riz sauvage. Dans ton assiette, il y a un combat entre la saucisse sauvage et le riz sauvage. Tout essaye de se manger avant pour qu'il ne te reste plus rien à bouffer après. Là, dans un grand restaurant, ça te coûte 55$, c'est-à-dire 35€. Là, tu veux te faire, bien sûr, rembourser. Là, on te dit, bon, ben non, ben, putain, la coupe de vin, là, ben non, c'est pas gratos, là. Je dis, ouais, mais c'est parce que j'avais demandé une saucisse sauvage. J'ai demandé du riz sauvage. J'ai eu un combat dans mon assiette. Il ne reste plus rien. Ils se sont entremarrés. Ben oui, il vous reste le ballon. Ben le ballon, je ne boirai pas puis je ne mangerai pas du vin. Ben c'est comme ça, hein, ici, là, c'est dans la Normandie profonde. La Normandie profonde. J'ai fréquenté Gorge profonde puis on mangeait à manger. Ben monsieur, c'est pas la même chose. Oh non, c'est vrai. Excusez-moi à propos de toutes les gorges profondes et de la saucisse sauvage et du riz sauvage. C'est ça. Faut domestiquer nos ingrédients, domestiquer notre bouffe, domestiquer notre peuple, domestiquer notre vie pour qu'elle puisse être contrôlable. In vitam paperman. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons de la saucisse narrative. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Le cœur électrique, des états uniques. Comme le soleil caresse, comme le soleil éclipse, comme le soleil déserte. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. La 2, s'il vous plaît, la caméra numéro 2. Est-ce que vous pouvez enlever la. Retirer la. On ne sait pas. Ah oui, la réverbération. Merci beaucoup. C'est une introduction musicale à la manière de Nicolas Perrac. Perrac. Connaissez-vous Nicolas Perrac? C'est celui qui chante. Le vent me saoule. Donne-moi. La... Il chante aussi autre chose. Il chante des belles chansons. Pour les belles madames, les belles matins. Toute la population qui vibre sous ce même... quelle chanson il chante, Nicolas Perrac? C'est pas celui qui... La veine me saoule, et puis après, c'est... c'est pas lui qui chante... Inch'Allah! Non, c'est Adamo, ça. Adamo. Eh, monsieur. Et puis là, je me suis dit, là, ça devrait être la réverbération. Juste vérifier, comme ça, si ça vous dérange pas trop, mesdames, mademoiselles, messieurs, surtout mademoiselle. 1, 2. Ah, c'est merveilleux. Non, mais je voulais être certain, hein, parce qu'ici, là, c'est l'exactitude à l'Iran Sénaldienne, là. C'est pas fait n'importe comment, celle-là. Madame Tremblay s'imaginait, il plante un micro, hein, il regarde ses feuilles. Je regarde même pas mes feuilles, je comprends même pas le hiéroglyphe. Premièrement, c'est mon écriture, là, égyptienne. Comment ça s'appelle, l'écriture égyptienne? Ben, le hiéroglyphe, voyons, je vous l'ai dit, hiéroglyphe. Vous maîtrisez rien, vous? Ben, j'essaie de maîtriser mon mari, hein, Jean-Paul est pas facile. Pas Jean-Paul, Jean-Paul. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Paul? Ben, premièrement, son métier, c'est de me tromper. Ah, oui. Aimez-vous ça? Ah, j'adore ça, parce qu'après ça, il me fait plein de cadeaux. Oh, qu'est-ce que vous avez fait comme cadeau le plus... Disons, le plus récent cadeau que vous avez eu de Jean-Paul. Ah, c'est un beau voyage à Las Vegas. Comment? Un beau voyage à Las Vegas. Pas à Las Vegas. Non, à Las Vegas. À Las Vegas. Oui, alors, puis oui, pas à Las Vegas, à Las Vegas. Oh, OK. Et puis? Ah, c'était merveilleux. On avait des billets pour aller voir Frank Sinatra. Qui? Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et Dean Martin. En quelle année? En 2009. 2009, vous avez eu des billets pour aller voir... Excusez-moi. Sérieux. Frank Sinatra. Oui. Dean Martin. Oui. Puis Sammy Davis Jr. Oui, non, c'est Sammy... C'est-tu Pénis? C'est Pénis Davis Jr. Non, c'est pas Pénis, c'est Sammy Davis Jr. C'est celui avec le gros non, c'est le plus petit, c'est le noir. Mais c'est ça, s'il y a un gros... Non, c'est un mythe. C'est un mythe. Un mythe. Il y avait pas de mythe là-dedans, lui, là, parce qu'il y avait un... Non, il y avait pas de... Non, c'est Sammy Davis Jr. OK, c'est pas Pénis. Ben, il y en a... Il y en a sans doute un, là. il y a sans doute quoi? Ah non, il y a sans doute un Sammy Davis Jr., là. Ben oui, j'espère, c'est avec les Rat Packs. Oui, oui. Oui, je sais, les Rat Packs. Premièrement, c'est Rat Pack. Là, c'est avec Sammy Davis Jr., Dean Martin, puis Frank Sinatra. Mais c'est ça, c'est qui l'autre, le premier? Hey, Sammy Davis Jr. Ça, c'est ça, Sammy Davis. C'est celui qui chante la chanson Attention. Là, c'est laquelle dont... Bring the bell, bing, ding. Candyman, c'est Candyman! Candyman man, oh Candyman man, oh Candyman man, oh Riley Reed, Riley Reed, Riley Reed, Buzz Van, you and Buzz Van, you and Candyman. Les enfants sont là. Candyman man, Candyman man. Et monsieur dit, tu sais que c'est des enfants ou des... c'est des enfants. C'est des petits, ben, c'est des tout petits enfants, là. Sont tout petits, sont, non, sont tout petits. Plus petits que ça, mais non. Il y a petit et il y a tout petit. OK. Ça fonctionne par grandeur, les mots. Ben oui. Les petits sont plus grands que les tout petits. Oh. Puis là, il y a plein de tout petits. Ben oui, fait. Candyman, man, Candyman, man, I don't wanna fuck you. Non, les tout petits disent pas fuck you. Ah non, c'est fun you. OK, c'était un début d'errance canadienne. Et vous savez que pendant des jours, hein, on se rattache à quelques chansons. Et pendant mon émission la semaine dernière, j'ai fait jouer, et nous allons l'entendre pendant encore 110 minutes à travers toutes mes discussions, une chanteuse que j'ai appris à adorer et qui s'appelle La Fille. Et ça a été pour moi cette semaine, madame, mademoiselle, messieurs, une dure semaine au travail, problème technique, grave problème technique. Je me suis mis à réfléchir et on peut pas réfléchir lorsque la direction ne le fait pas. On peut pas faire à la place de travailler les autres. Et donc, mais il y a une chanson pendant que je lavais mon plancher, parce que je lave aussi le plancher. Mais voyons donc, t'es pas un animateur de radio. Oh, oui, j'anime l'errance canadienne. Mais c'est pas mon gagne-pain. Ah, qu'est-ce que tu fais pour gagner ton pain? Je le fais. Au four? Au four. Ah oui, au four. Et je le retire uniquement quand il est doré. Oh, doré, doré, doré. Non, doré, doré, doré, doré. Comme Sylvain Doré. Non, comment il s'appelle le chanteur français? Doré, là. Doré, doré. Là, je sais que les gens le savent, là. Là-bas, là, ils le savent. Mais ici, Julien Doré. Julien Doré, oui. Contre-courant, à contre-sens, à contre-culture, à controverse. À contredire, à contre-faire, à contre-point, à contre-balancer. À contre-jour, à contre-cœur, à contre-carré, à contre-foutre. Pour la beauté du geste, pour disperser les restes. Au contraire, qu'est-ce que je peux faire? Au contraire, y'a rien à faire. Au hasard, tout foutre en l'air. Au contraire, au contraire, au contraire. À contre-temps, à contre-pied, à contre-productif. À contre-plongée, à contre-pétri, à contre-maître, à contre-indication. Pour la beauté du geste, pour disperser les restes. Au contraire, qu'est-ce que je peux faire? Y'a rien à faire, au hasard, tout foutre en l'air. Au contraire, au contraire. À contredanse, à contrepartie, à contrat à durée indéterminée. Nature, à contre-marque, à contraceptif, à contrat d'exclusivité. Pour la beauté du geste, pour disperser les restes. Au contraire,

c'est lui. La la la la, c'est lui. La la la la la. Ah, je vous présente l'auteur, compositeur, interprète Egon Kragle, un homme qui s'intéresse aussi aux extraterrestres, aux ovnis, donc un ufologue, auteur, compositeur, interprète, ufologue, tout ça dans le corps de Egon Kragle et dans la tête surtout d'Egon Kragle, un artiste extrêmement intéressant. À toi, la vedette, à toi, l'ufologue. L'ufologue, l'ufologue, merci. Wanna tell a little tale, tiny story from the sea, about a boy, a roving blade, called Johnny. Johnny. Whiskey Johnny was his name, the coolest cat I've ever seen. He had a smile upon his face. So jolly, jolly. He was poaching on a dream. He was dreaming of a love under the breeze. Rolling gold. Give you silver, give you gold, a solace in your solitude. If you leave my well alone, said Johnny. Pity upon me, my lord, take me home under the sea. I offer you my drowning song, let it be. He was poaching on a dream, he was dreaming of a love under the breeze. Rolling gold, hit the blue, never look back, take a ride beyond the tide. Hit the blue, the well is mine, say Johnny before he dies. Mais ça va très bien, ravi de te voir. Là, j'ai vu quand ton regard a monté, c'était un beau travelling. Ben, génial, génial. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ben, ça va très bien. Alors, on enchaîne depuis... J'imagine. Depuis samedi. En tout cas, bienvenue à Paris. Ben oui, ben là, je m'en vais après-demain. Tu pars après-demain? Oui, 49 rencontres en 8 jours. Ça va? Ben, ça va. Tu peux pas te reposer, arriver là-bas? Ben, j'ai droit à une semaine encore de vacances avant de recommencer mon boulot alimentaire. Mais c'est bien, c'est bien de te voir, ça fait longtemps. Ah oui, mais moi aussi, je suis heureux de te revoir. Mais et ouais. On va parler de ta carrière peut-être artistique, après ça on va se lancer dans ce que tu travailles depuis des années. Génial. Génial. La musique et les bouquins. Ouais, c'est ça. Ah putain, les bouquins là, ça a démarré en folie. Comment ça? Ouais. Écoute, mon attaché presse m'en envoie tous les jours. Okay. À l'instant. Okay. C'est pour ça que je lui répondais. On fait le dossier, la couverture d'un nouveau magazine, voilà, tu vois. Ah oui, ok, oui, oui. J'ai fait plein de télé, là. Ok. Bah, tu sais, on pourra en parler, mais oui. Le sujet faisait rire, et puis depuis quelques temps, ça fait plus du tout rire. Pourquoi depuis... Bah, parce que... Bah, bon, on va parler de ta carrière musicale avant. Je te raconterai tout ça. Okay, okay. Ah oui, ma carrière musicale, avec plaisir. Bah oui, alors les gars, nous on se connaît depuis quelques années, grâce à Pierre Fat. Absolument. Et moi, je diffuse régulièrement l'album. Est-ce que l'album porte un titre ou tu as des ailes d'un ange? L'album, c'est celui-là, c'est... Ça s'appelle All the Glory. Ah, exactement, c'est ça. Exactement, c'est lui, ouais. Tu l'as? Oui, ben oui, je l'ai. Prends-en, tiens, il est pour toi. Ben oui, je l'ai. Et tiens... Est-ce que c'est ton plus récent? C'est mon plus récent. OK. Je te raconterai, c'est mon plus récent. Il y en a un qui arrive, là. OK, ah oui? Voilà. Ah! Mais on a bossé. Et tiens, je t'ai filé aussi deux CD de potes à moi avec qui j'ai bossé. OK. Comme ça, t'écouteras. Parfait, voilà, oui. C'est les nouvelles productions françaises. Philippe Miro, alors... À la Manaranche, il avait travaillé pas mal, il avait pas mal d'albums à l'époque chez Polydor. Ouais, ok. Et puis il s'est arrêté, là il refait de la musique. Philippe, il a été découvert avec la Starac. Ça a été un outsider triomphant de la Starac. Est-ce que son nom d'artiste à un moment donné, est-ce que c'était juste Miro? Parce qu'il me semble que je connais un Miro. Ah, c'est possible, je sais pas. Et là, c'est pareil, il se relance et on va faire des. On a fait des trucs ensemble, là, justement. Okay. T'écouteras. Oh, voilà. Oui. Comme ça, tu repars avec. Et toi, merci. De rien. Et merci à toi. Ben, écoute, merci à nous. Ça me fait plaisir de te voir. De s'auto-intéresser. Ça fait plaisir. Ça a été rude avec le confinement, tu sais. Ouais. Ça a été rude, on a passé. Mais ça m'a fait plaisir de t'envoyer, de te faire une chanson, ouais. De t'envoyer à l'époque. Ah ben oui, pour mon 800e. C'était sympa. Ah, c'était merveilleux, c'était oui, génial. Effectivement. C'était un bel écho. J'ai gardé toutes les... J'ai gardé tout. Allô. J'ai gardé toute l'émission. Ah oui. 4h30 d'émission, c'était quelque chose. Qu'est-ce que tu veux voir? Toi, vas-y. Moi, je vais vous prendre un jus de tomate. Oui. Moi, je vais prendre un coca. Ça. Ouais, et puis il y avait aussi des gens un peu plus délurés, Didier Super et tout ce monde-là. Ouais, j'ai l'émission en entier. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps, j'adore. Quand je travaillais, je l'avais essayé. Il y avait du monde, il y avait aussi Sarclos, tout ce monde-là. Oui, donc, absolument. Oui, il y avait Garance, toutes les belles voix que je connais, génial. Que je rencontre depuis. Et tu y étais. Ben oui, avec plaisir. Et à quel moment tu as décidé de refaire un autre album? C'est les demandes, c'est les choses à dire. Écoute, il y a eu. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu. Il y a eu le confinement. Oui, ça, ouais, on le sait. Et, et du coup, j'avais envie d'écrire depuis un moment, donc je me suis mis à écrire. Et puis, ça a super démarré. Au début, j'ai fait ça un peu par passion, si tu veux. Ouais. Ça a super démarré et ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire qu'en 3 ans, j'ai écrit 3 livres. Ouais. Là, je suis en train de terminer le 4e qui va sortir à la rentrée. Donc du coup, la musique, si tu veux, j'ai écrit un album. Voilà, j'ai écrit un album, mais je ne l'ai pas finalisé encore. Okay. Donc on a commencé, là on commence à travailler maintenant, ça y est, on enregistre. Travailler, c'est enregistrer la voix, enregistrer les voix. Ouais, c'est-à-dire que je l'ai composé, ouais. Il est tout composé, il était tout terminé, mais maintenant... Anglais, français? Oh, il y a de tout. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, il y a du quechua. Oui, la... quechua, oui, mais t'en avais fait une chanson lors de mes rencontres. Voilà, qui est la langue des Amérindiens, ouais, enfin mais... de l'Altiplano. Ouais. Donc voilà, il y a une chanson en italien qui est une chanson écrite par Pasolini, un poème de Pasolini en musique. Voilà. En toutes les langues. Un homme qui est mort pour ses idées. Comment? Pasolini, un homme qui est mort pour ses idées. Absolument. Absolument. On sait aujourd'hui que c'est un crime qui a été commis, commandité. Il y a eu toute l'histoire au début, on disait, bon, c'est une rencontre qui s'est mal passé, mais non. Rencontre sexuelle qui s'est mal passée, ouais, mais c'est pas possible parce que c'était un gamin. Ouais. Et quand tu vois l'état dans lequel il était, massacré, absolument massacré, donc ils étaient 3 ou 4. Ce qui fait que c'est une commande. Merci. C'est une commande vraiment du gouvernement italien. Ah oui, quand t'es trop bavard, quand t'es à la rencontre. Merci beaucoup, mon ami. Bah, merci. Bah, il était un peu, c'était un peu un électron libre et puis il a pu emmerder tout le monde. Voilà. Il a dénoncé pas mal de choses, il a dénoncé pas mal d'exactions, il a dénoncé que l'État était responsable de certains attentats. Et c'était plus facile de le faire taire. Bien sûr. Et toi, là... C'est pas le seul. Non. Est-ce que c'est une continuité de ton dernier opus ou si les musiques sont modifiées, si t'as voulu prendre une autre avenue sonore Non, c'est toujours un peu pareil. Et toujours. Tu sais, j'ai été super punk. Hein. Enfin, tu connais, voilà. Tu m'as même préparé un disque avec tes chansons lorsque tu étais un peu plus punk, avec même la coupe de cheveux. Voilà. Tu m'avais fait une pochette artisanale, c'était merveilleux. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, absolument. Bien sûr, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. J'avais bossé avec Malcolm McLaren, des pistoles, le producteur des pistoles et tout ça. Oh, maintenant, avec l'âge, on se calme un peu. Et j'ai plus envie de faire voilà, des choses plus... Sans doute plus engagé aussi et plus douce. Je crois qu'on a extrêmement besoin de douceur. Ah oui. Ouais. Je sais pas comment est le Canada aujourd'hui. Le Québec c'est comme partout ailleurs. C'est partout ailleurs. Ah. Ici c'est violent. C'est rude. On a un gouvernement qui travaille aussi pour que ça reste rude et absolument. Créer la peur. Qui entretient ça. Je crois que vous avez presque le même hein, là-bas. Avec Trudeau, ouais. Je pense que c'est Young Leaders qui sont un peu... Ouais. Mais au moins, il n'est pas majoritaire. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. C'est ce qui va arriver avec Le Pen aussi. Elle va entrer, mais elle ne sera pas majoritaire. Non. Elle ne sera jamais majoritaire. Mais quand même, elle va gouverner. C'est quand même fou, hein? Vivre dans un pays où Le Pen est au pouvoir. Tu sais, je pensais jamais vivre ça. Jamais. Je pensais pas vivre ça. Je pensais pas assister à ça. Et c'est vrai que c'est préoccupant. Moi, je connais des artistes qui vont quitter si Le Pen. J'en connais quelques-uns. Si tu veux, je pense que de toute façon, l'extrême droite est déjà au pouvoir en France. Elle est cachée, moi. Je le pense. C'est-à-dire que ce sont des loups déguisés en agneaux. Ouais. Mais quand tu vois la couleur... les directions qu'on a prises, les censures, la violence contre l'opposition, ce qui est un délit de démocratie totale. On a eu quand même des gilets jaunes et borniers, mais moi j'ai fait des manies. With a heart song to sing, he swings in between dreams. Behold the boy, behold the boy, come and celebrate with him. I touch your lips, the hurt is not enough. Your thorn-spiked head slowly moves into the sun. Weep, my child, your tears adorn the ground. The sweetest song is also the saddest one. Behold the boy, behold the boy, home is a stranger tonight. Behold the boy, behold the boy, I tip you the wink is alright. With a heart of wind and a song to sing, he swings in between dreams. Behold the boy, behold the boy, come and celebrate with him. J'ai fait des manifs avec eux. J'ai fait des manifs avec les pompiers, j'ai fait des manifs avec les aides-soignants. On a été massacrés, ils nous ont massacrés. Mais massacrés, il y a eu une violence, alors que c'était des manifestations, j'y étais, ouais. Totalement pacifiste, tu vois. Donc je pense que l'extrême droite est là déjà. Ouais. Elle est là déjà. Masquée. Ou peut-être. Et je pense que Marine Le Pen, quelque part, c'est une opposition très utile et ils sont main dans la main. Je le pense. Je le pense parce que si tu veux, les deux débats présidentiels qu'on a eus, elle avait un boulevard pour l'épingler, quoi. Elle pouvait l'achever à la tombe, comme on dit. Hein. Et elle n'a rien fait, elle s'est totalement couchée. Elle prépare son entrée. Oui, bien sûr. Alors tes chansons témoignent de quoi? Témoignent de la sensibilité que l'on doit retrouver Ah, j'ai fait quelque chose, enfin j'essaie de faire quelque chose de beaucoup plus optimiste. Quelque chose qui rappelle un peu. Il y a une couleur très flower power, tu vas voir. Donc c'est un peu plus. On sent, je ne sais pas si tu connais Bauhaus. Oui. Un peu glauque, un peu. Alors il y a toujours ces côtés un peu. Il y a toujours des pans d'ombre, si tu veux. Mais ça sonne Angleterre. Le dernier, ben, celui que j'ai, ça sonne Angleterre. Ça sonne une musique très, très anglaise. Bah, tu sais, j'ai vécu longtemps à Londres. J'ai travaillé la musique à Londres, j'ai bossé à Londres. Ma plus belle rencontre, je ne sais pas si on en a parlé, mais il n'est plus là et j'en suis inconsolable, c'est Bowie. Bowie m'a vraiment tout appris, vraiment. D'ailleurs, même les ovnis, c'est bien de Bowie, hein. Aussi en partie. J'ai été biberonné à l'Angleterre, que ça. Je n'ai jamais écouté de musique française. Les musiques françaises que j'ai écoutées, c'était parce que j'ai eu des rencontres. Si tu veux, j'ai été très ami avec Juliette Gréco, j'ai accompagné Juliette jusqu'à la fin, mais c'était vraiment parce qu'on était amis, c'était une amitié. Mais dans quel sens tu l'accompagnais? Bah parce qu'elle est. Jusqu'au moment où elle est décédée, je suis allé la voir jusqu'à la fin, à Ramatuel. Tu la connaissais pas, un ami? Lui tenir la main. Écoute, ça s'est passé. Je travaillais, j'étais tout jeune quand je suis arrivé à Paris, j'étais absolument tout jeune et je travaillais dans une radio pour gagner 3 sous. J'ouvrais les bouteilles de coca et je servais le café. Quelle radio? Radio Suisse. Ok. La RTR. Ouais. Radio Suisse. Alors, et vraiment, j'étais le gamin qui faisait tout. Et puis un jour, il y a eu un branle-balle combat comme ça. On m'a dit, oh, il y a une grande dame qui vient. Et j'ai vu arriver cette dame en noir. Que j'avais vu gamin dans un feuilleton qui s'appelait Belphégor. Ouais. Et j'étais un peu impressionné de la voir. Et tu sais, puis là, tout le monde était au garde à vous, hein, le petit doigt sur la couture du pantalon, tu vois. Et puis à la fin, on me dit bon, Egon, tu raccompagnes Madame Gréco, il faut raccompagner Madame Gréco, tu la raccompagnes, et il faut qu'elle trouve un taxi. Et c'est avéré que le destin a joué pour moi, parce qu'il n'y avait pas de taxi. Donc on est resté à peu près 45 minutes tous les deux dans le hall assis. Et là, Juliette était très curieuse. Hein. Elle était super curieuse. on l'imaginait comme quelqu'un de froid, d'histoire, etc. Pas du tout, elle était très drôle, très elle était curieuse, c'était génial. Elle m'a posé plein de questions et on s'est jamais quitté. Jamais. Voilà. Et ça, c'est combien d'années avant sa mort? Alors ça, c'était en 80... C'était en 85, je crois, que je l'ai rencontré. Jusqu'à la fin. Elle avait fin 60, à cette période-là. Elle a, ça avait été une immense vedette, hein, enfin une immense star en France, Gréco. Qui a chanté Gainsbourg, la Javanaise, qui a chanté Boris Vian, qui a chanté. Elle m'a raconté tout ça, c'était génial, c'était, elle a une vie incroyable. Elle a mis le vide en une. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit avant de partir. Elle m'a dit, tu sais, faut pas être triste, j'ai vécu tant de vie, Gone. Voilà. Elle est morte de vieillesse. Morte de vieillesse. Yes. Mais son mari était mort aussi, le pianiste. Oui, absolument, Gérard Joannès. Ouais. Ben, j'étais avec Juliette au funérailles de Gérard. Okay. C'était son grand amour. C'était une belle histoire parce que je crois que la musique était le ciment de cette belle relation. Et ils étaient très complices musicalement. Mais sur scène, c'était incroyable. Il y avait juste le regard. Elle se tournait vers lui et il savait très bien ce qu'elle voulait dire. Absolument. Ouais. Ils étaient mignons tous les deux. Parce que c'est lui qui commençait toujours les premières notes. Attends, j'ai pas terminé. C'est ça. C'était tellement. Ils étaient très touchants tous les deux. Gérard me racontait tout le temps ses histoires avec Brel. Moi, ça me faisait tout le temps rêver quand on dînait ensemble, quand on avait la chance de dîner ensemble, quand on avait la chance de se voir. Ça partait toujours sur Brel. Gérard, quand il parlait, ça finissait toujours sur Brel. Et ça a été vraiment une histoire d'amour, Joannès et Brel. Vraiment, vraiment. Et moi, qui n'ai pas connu Brel et qui n'ai pas pu le voir sur scène... Mais tu le vis à travers ses yeux. Je le voyais à travers ses yeux, absolument. Oui. Ça, je le voyais à travers ses yeux. Juliette m'a raconté plein d'anecdotes. Juliette, un jour, elle me dit, oui, tu sais... La première fois que je l'ai vu, c'était dans un vieux cinéma, en fait, entre deux films, pour gagner deux sous, il grattait la guitare comme ça, je suis allé le voir, et puis je lui ai dit, j'ai entendu vos chansons, il y a des choses très belles, il faut venir à la maison. Et elle me dit, un jour, j'ai vu arriver ce garçon avec des yeux de loup, avec un bras très long, et au bout de son bras, une guitare, il a commencé à chanter des chansons, et à la fin, je lui ai dit, vos chansons, je ne les veux pas parce qu'elles sont trop belles, et vous allez les chanter vous, mais je vais en chanter une. Il y en a une qui est un peu plus difficile de la chanter, ça s'appelle Le Diable. Ah oui. Ah ça, c'est tout début, oui. Et elle a chanté Le Diable. Voilà. Et c'est Juliette qui a fait signer Brel. C'est Juliette qui a fait la carrière de Brel, vraiment. Il a été d'ailleurs il lui a été reconnaissant jusqu'au bout. Quand il est, à la fin, il était très malade, il est venu se réfugier chez Juliette et Gérard Joannès. Et Juliette m'a raconté aussi une belle anecdote, elle m'a dit que... Quand Brel a terminé le dernier disque, il a fait écouter à Juliette. Et Juliette s'est mise à pleurer sur une chanson qui s'appelait Voir un ami pleurer. Oui. Et Brel, qui était sur le point de partir, il savait qu'il partait, il a quand même fait signer un contrat à la maison de disque pour dire j'offre cette chanson à Juliette, à Gréco. Et mon disque ne sortira pas tant que Gréco n'aura pas enregistré cette chanson. Que Gréco n'aura pas enregistré cette chanson. Ah oui, okay. Donc c'est Juliette qui a d'abord enregistré Voir un ami pleurer. Et une fois qu'elle a enregistré la chanson, cette version, okay. Le disque a pu sortir. Juliette m'a raconté une dernière anecdote que j'adore. Elle m'a dit, quand Brel était mourant, comme ça, il parlait avec Gérard et il a dit à Gérard, j'ai raté une chose dans ma vie, c'est les femmes. J'ai vraiment raté une chose dans ma vie, j'ai raté les femmes. J'ai un truc, je le regrette parce que je suis passé à côté, j'ai pas compris. Et Gérard lui a dit, oh Jacques, quand même, les femmes sont magnifiques, regarde, moi je vis avec Gréco et c'est génial. Et Brel, qui était très, très faible, s'est mis à rire, il a dit, Gréco, mais c'est un mec. Et Juliette me terminait en me disant, j'ai été très flatté. Voilà, j'ai plein d'anecdotes sur Juliette, on a partagé tellement de moments, et voilà, c'est quelqu'un tellement cher à mon cœur. Est-ce que éventuellement tu vas faire une chanson? Oui, alors il y a une chanson, justement, c'est génial, il y a une chanson dans l'album qui est pour elle. Sur le prochain? Oui. Et qui s'appelle? Tu veux pas le dire? J'ai pas encore le... J'hésite en entre deux... elle est moitié en anglais, avec des trucs en français. J'ai pas encore le titre définitif. On se tâte. Voilà, on se tâte pour le titre. Mais il y a absolument une chanson pour Juliette. In a world without a sky, where should a poster shine? The landscape is moving, and your heart beats away from mine, and your heart beats away from mine. More than the dark to the light, more than the fist to the fight, more than anything I need, you were mine, my bliss and my cry. You were mine, my bliss and my cry. In your house at the end of the world, there is no light and no love to get hurt. In your house at the end of the world, there is no roof to get and a shelter. In your house, in your house. My little brook in the grass, you sparkle gentle and bright. Lull my lover to sleep, he's alone and he's gone to the bed. He's alone and he's gone to the bed. In your house at the end of the world, there is no light and no love to get hurt. In your house at the end of the world, there is no roof to get and a shelter. In your house, in your house. I ride a storm to get high, I rest in the folds of time. I walk without you now, but I love and I leave, I'm all right. But I love and I leave, I'm all right. Là, t'es-tu vraiment avancé pour le projet? Les chansons sont toutes terminées, voilà, okay. on a tout, et là on est en train de, si tu veux, notamment avec Philippe, justement, Philippe Miro, on a commencé à poser des playbacks, et voilà, tu verras, c'est la première chanson, c'est Barefoot Days, que je t'avais chanté un jour en acoustique, qui est suivi par un grand poème en français, okay. Tu verras, d'un seul coup, ça part sur un grand poème en français. C'est pour 2024? Qui s'appelle Entre chiens et loups, ça sera pour 2024, ouais. On va bosser. Il fallait que je termine les bouquins. Ouais. Et les bouquins, c'est... J'ai été en apnée pendant 3 ans, tu sais, avec les livres. Donc, Alors, en fait, as-tu fait des études pour en savoir davantage? Alors, l'histoire des livres, c'est autre chose. Je suis fils de militaire. Mon papa était colonel. Et quand mon papa organisait des dîners, souvent, moi j'ai grandi un peu dans les casernes, hein, tu sais, il organisait des dîners le dimanche avec des amis pilotes. Et c'était très ennuyeux pour l'enfant que j'étais, parce que ça parlait de l'Indochine, de l'Algérie, tu vois, c'était un ennui putride pour moi. Mais quand la chair était bonne, et le vin propice un peu aux confidences, Les pilotes parlaient de choses qu'ils voyaient dans le ciel, et ils étaient extrêmement perturbés par ça, très inquiets. Et le sujet à la maison était pris tellement sérieux. Mon père était un homme extrêmement pragmatique, tu vois, un colonel dans l'armée, ça rigolait pas. Hein. Pas beaucoup ce qu'on appelle la galéjade en Provence, pas beaucoup. Et donc moi j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que c'était quelque chose... Et d'ailleurs ils n'en parlaient pas, même pas à leur hiérarchie, c'est-à-dire que... S'ils en parlaient à la hiérarchie, ils avaient peur de perdre leur licence de homme. Donc ça restait entre eux, mais ils en parlaient, vraiment. C'était tabou, mais pas entre eux. Totalement tabou. Mais pas entre eux. Pas entre eux. Et quand mon père en 96 est décédé, qu'il est parti de l'autre côté des fleurs, j'ai eu envie de lui rendre un hommage. Et ça a été la chose la plus évidente pour moi, puisque on abordait souvent ce sujet, lui et moi. Et et je suis allé à taper aux portes. Hein, donc j'ai rencontré des hauts gradés de l'armée. Peut-être que le fait que je sois fils de colonel, ça a facilité les choses. Et ils ont commencé à me raconter des choses absolument incroyables. Absolument incroyables. Mais sous leur vrai jour, ou s'ils voulaient masquer leur... Ils ont été assez transparents avec moi. Ils ont été assez transparents. J'ai rencontré. Est-ce qu'ils travaillaient encore ou ils étaient à la retraite? Alors. Parce que c'est quand même. J'ai quand même eu la chance de rencontrer à l'époque le responsable de l'état-major français, qui a pris sa retraite peu de temps. Mais tu as raison. Je pense que c'était quelqu'un qui était proche de la retraite et qui commençait à lâcher. Oui. Parce que je ne peux pas quand tu es en action. J'ai eu la chance, par exemple, d'interviewer Yves Sillard. Alors, Yves Sillard, je t'explique, ça a été le grand patron du CNES, le Centre National d'études aérospatiales françaises. C'est le père de la fusée Ariane. Okay. Et c'est le père du programme Concorde. Okay. C'est pas n'importe qui. Non. Donc, tu es dans tes petits souliers, tu vois. Ouais. Et lui a commencé à me dire, mais monsieur, en gros, il y a des objets, des fois gigantesques, dans notre ciel, dont on ne sait rien. Et voilà, donc j'ai fait un premier livre et qui a fait son chemin. Et puis ce qui s'est passé, c'est si tu as pas suivi le sujet, c'est que en 2017, le New York Times a balancé un papier qui a causé beaucoup de remous dans les couloirs du pouvoir à Washington, qui a révélé que le Pentagone étudier les ovnis depuis longtemps en cachette au cinquième étage de l'annexe C du Pentagone. Ça avait coûté quand même 22 millions de dollars. Et le Pentagone a dû reconnaître, acculé par le Sénat, et a rendu public un rapport préliminaire de 9 pages où. 9 pages, juste 9 pages. Il reconnaît la réalité du phénomène. C'est-à-dire que c'est un moment cardinal, c'est-à-dire qu'avant. Si tu veux, c'était est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Et à partir de 2021, c'est là. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est là. Et depuis, ça pleut de tous les côtés. C'est-à-dire, là, il y a 3 semaines, c'était en couverture du Parisien, tu vois. C'est... Donc, ah oui? Ah oui, si tu veux, le sujet a quitté les théories du complot pour entrer dans le débat public. Et aujourd'hui, le Sénat, le Congrès... Alors, Que les ovnis soient réels, c'est donc officialisé aujourd'hui par, écoutez bien, le Pentagone, la NASA, qui vient de faire une session publique qui va rendre son rapport le mois prochain. La NASA, tous les experts aéronautiques les plus pointus de la NASA travaillent dessus à l'heure actuelle. C'est reconnu par l'Air Force et c'est reconnu par la Navy américaine. On en est là. Donc c'est pour ça que, si tu veux, après avoir écrit ce livre, je suis devenu un peu un expert, ça me fait sourire. Parce que tu es un ufologue. Oui, parce qu'un expert, si tu veux, sur un dossier non identifiable, c'est sympa. Puis qui n'est pas universitaire, c'est pas. Mais du coup, je suis invité dans les radios, je fais des télés, j'ai fait pas mal de télés. Voilà, je suis devenu un peu une référence sur le sujet, qui me passionne. Pourquoi ça te passionne? Parce que ça, si tu veux, ça vient de mon enfance. L'enfant que j'étais s'ennuyait profondément dans les casernes, c'était pas mon monde. Et c'est vrai que ce sujet, si tu veux, m'a ouvert très jeune une porte vers un magnifique ailleurs. C'était une échappée belle pour moi. Ça m'a fait vraiment rêver. Ça a enchanté mon monde et ça m'a fait rêver. Ça continue de me faire rêver. Voilà. Est-ce que tu crois aussi aux intraterrestres? Alors, si tu veux, selon la progression de mes connaissances et de mes recherches, je peux affirmer sans rougir et sans ciller que le phénomène est réel. D'ailleurs, les intras, les ovnis. Ok, oui, les extras. Oui, mais alors maintenant, la grande question que je pose, c'est quelle est la nature intrinsèque? Est-ce que c'est d'autre espace, c'est-à-dire est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est multidimensionnel, puisqu'aujourd'hui la mécanique quantique a tendance à nous expliquer que nous vivons dans un multivers et pas dans un univers? Visiblement, on vivrait dans une espèce de multivers dans lequel il y aurait 11 branes, donc 11 univers concomitants, comme ça. Et comment on fait pour passer d'un à l'autre? Grande question. Je crois que nous, on n'en est pas trop capables, mais peut-être que des formes de vie plus évoluées ont trouvé la solution. Peut-être. Est-ce que tu crois qu'il y en a qui peuvent le faire? Peut-être, ça expliquerait peut-être les fantômes, tu vois, peut-être, ça expliquerait peut-être beaucoup de choses. On tâtonne. Tu sais, on ne sait pas grand-chose. Là, on découvre. Alors là, on est simplement en train d'ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il y a des choses au-dessus de nous. Il y a des étranges phénomènes de mystérieux objets célestes qui rayent nos beaux ciels d'été ou d'hiver. Donc on en est là, mais c'est déjà incroyable parce que ça ne vient pas de chez nous. Donc, d'où viennent-ils? As-tu vu les sphères qui se promenaient au Québec venues de Russie, les sphères blanches? Oui, absolument. Absolument. Mais vous avez eu des cas magnifiques aussi au Québec. Vous avez eu des cas magnifiques. Vous avez eu le cas de Stéphane Michalak, qui est un cas absolument somptueux. Vous avez eu Chagarbor, où là vous avez des mini-témoins avec des policiers qui ont vu un objet tomber dans l'eau. Ils l'ont suivi en barque, ils ne l'ont jamais trouvé. L'objet est parti, donc l'objet était amphibie. Un énorme objet qui plongeait dans le port de Chagarbor, qui est parti. Et vous avez, ce qui est génial, je n'ai pas pu les récupérer, mais si tu as l'occasion, que ce soit pour Stéphane Michalak ou pour Chagarbor, le gouvernement canadien a sorti des pièces en argent magnifique pour commémorer l'anniversaire, et avec des lampes comme ça, et tu les éclaires, et en fait, tu vois surgir les ovnis, etc. Essaye de les trouver parce qu'elles sont magnifiques, absolument magnifiques. En 77, j'habitais Port-Cartier, c'est dans le nord du Québec, parce que mon père travaillait là, donc on suivait. Et puis, ma mère regardait par la fenêtre et elle a vu une sphère. Génial. Et la sphère a descendu. Et elle était là, elle regardait. Et elle m'en a parlé parce que j'étais le seul à avoir l'esprit ouvert et ne pas critiquer ce qu'elle voyait. Et elle me dit ça. Donc c'est juste moi puis elle. Ben, en fait, que. Enfin, la seule à qui. Elle s'est adressée uniquement à moi. Le lendemain, dans le journal local, parce que Port-Cartier, c'était quoi, 3000 personnes, on a trouvé des cercles. Le gazon avait des cercles écrasés. Une sphère, il ne savait pas du tout ce que c'était, mais une sphère avait atterri. Et là, ma mère m'a dit hein, je l'ai vu. Hein. Ouais. Génial. Ouais. Et ta maman, elle est toujours là, elle est toujours vivante? Non, elle est morte d'une triple démence et l'Alzheimer. Ouais. À 72 ans. Donc, c'est en 77 à Port-Cartier. C'est génial. Ouais. Parce qu'en fait, c'était un endroit, c'est toujours un endroit, peut-être un peu moins aujourd'hui, parce qu'on construit sur n'importe quoi, où il y avait beaucoup de verdure. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a eu des... Oui, mais c'est une grosse pastille, là. C'est pas une petite pastille. Ouais, ce qu'on appelle les agroglyphes. C'est ça, exactement. Mmh. Mais le gazon avait été écrasé, soufflé. Génial. Soufflé. C'est génial. Et là, il y a des photos. Le journaliste avait pris des photos. Wow. Et tu as ça? Non, j'ai pas ça. T'as pas mais ça? J'ai déjà eu ça. My word is so blue. sorrow, Big Ben boy. Like a bridal bed, empty and cold, like a lonely grave, the moon dark morn, like a gash across my soul. When I'm the knife as well as the wound, the wood is so blue. Color me with love, hit the road alone, let me tie your weary shoes. Where the little storm, my man, holy joy, I will light a star for you. And no coffin for my sorrow, Big Ben boy. Color me with love, hit the road alone, let me tie your weary shoes. La NASA doit rendre là incessamment sous peu son oui, son compte rendu, mais là tu veux attendre pour j'attends, que ce soit plus. Voilà, j'attends un peu okay. Parce que. Mais là tu es rendu à ton quatrième livre. Quatrième livre. Oui. Quatrième, oui. J'ai écrit 3 livres en 3 ans. Oui. C'est pas inspirant. Je sais pas si tu te rends compte, mais. Puis un disque en 6 ans. Et un disque en 6 ans, oui. Et tout ça à cause du confinement. Oui. Parce que si tu veux, c'est vrai que se retrouver enfermé à la maison seul. Mais comment t'as pris ça, toi? Eh bien, très bien, parce que j'ai écrit. Non, mais le gouvernement qui t'oblige de rester à la maison. Oh, mal. Extrêmement mal. On est des bons boutons. Moi, je suis une sale bête, je suis un cheval échappé. Je suis. Alors, toi, tu sortais quand même? Je suis pour la liberté, bien sûr. Mais c'est incroyable de voir que la planète au complet, c'est... a suivi les règlements, c'est de l'esclavagisme. Moi j'ai été un salopio, moi. Non, oui. Non, je suis sorti, oui. Non, mais moi, je me suis surpris de voir que les gens étaient aussi mous. J'ai fait des promenades dans Paris absolument fabuleuses et j'avais eu... J'ai eu des problèmes de santé qui sont terminés maintenant, okay. Un peu sérieux, mais ça s'est terminé. Mais t'es jeune quand même, hein? Non, on m'a enlevé une tumeur à la jambe. Ok. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout va bien, hein, c'est super. Là, tu as eu de la chimio, c'est terminé? Écoute, j'ai même pas eu de chimio parce que ça a commencé. Jambe, c'est rare un cancer à la jambe. C'était une tumeur qui devenait cancéreuse, voilà, c'est une grosse tumeur. Et on pense que c'est. As-tu réfléchi? Tu sais, on pense que c'est dû. Au oui, fait ça. Que comme un imbécile, j'ai porté mon portable dans ma poche pendant 15 ans. C'est les ongles? Oui. On le dit pas. Mon chirurgien m'a dit une chose, ça va être très difficile d'en parler, et si vous voulez attaquer les compagnies cellulaires, ça sera le pot de terre contre le pot de fer. Donc, alors le mieux, c'est ça? Donc je vous dis, mais absolument. Oui. Absolument. Parce que c'était vraiment ici, là, dans la poche. Ah ben maintenant il est là. Ok, ok. Ouais. Il est loin. Ouais, c'est ça. Ça va, j'ai donné. Hein. Ouais. J'ai donné. Mais imagine, le micro-ondes, on en dit tellement de mal du micro-ondes. Oui, il y en a qui font cuire du poulet dans le micro-ondes. Je sais pas. Mais on va peut-être crever du cancer à cause des ondes. Moi j'en ai pas. Non, mais ça modifie. Je crois qu'il faut être prudent sur les choses, se poser des questions. Et pour en venir à ce que je disais, c'est juste pendant. Comme je sortais pratiquement d'opération, ma cardiologue, qui est une femme géniale, m'avait fait un papier en disant qu'il fallait, pour ma jambe, il fallait que je marche. Donc j'en ai profité pendant le confinement, je marchais comme un fou en me disant si on m'arrête, de toute façon j'ai mon ordonnance. Donc j'ai marché, c'était magnifique. J'ai pas du tout été inquiet, moi. On t'avait préparé une feuille. Ah oui, j'avais. J'avais une feuille. Ah, c'est bien. Ah oui, signée par ma cardiologue, mon médecin traitant, tout ça, en disant. Monsieur doit marcher pour. Doit marcher 2 heures par jour. Okay. Oui, parce qu'il fallait. Il s'appose, ça fait 2 heures ou 10 minutes, donc tu vois. Parce qu'en fait, ils m'ont pas donné de rééducation, ils m'ont dit que ma rééducation, c'était moi qui devais la faire de marcher. Donc voilà, c'était parfait. Donc j'ai marché tout le temps. Alors t'étais inspiré. Oh, c'était génial. Parce que c'était tranquille, il n'y avait personne. J'ai vu des animaux, j'ai vu un renard. J'ai vu un renard dans Paris. À côté, pas loin de chez moi, après la Bastille. Magnifique. Tout roux avec des gants noirs, comme ça, il était d'une beauté. Un cadeau magnifique. J'ai vu des furets. Dans Paris, j'ai vu, c'était magnifique, c'était superbe. Mais c'est comme si, à un moment donné, il y a une sorte de fin du monde et qu'il n'y a plus personne, tu marches dans la ville, et c'est ça. Voilà. Et puis j'en ai profité pour écrire ce livre, et puis j'en ai profité pour te faire une chanson pour toi. Oui. C'est pour toi, c'était vraiment... Oui, on va la diffuser. J'ai pris ma guitare. Ouais, puis là, tu m'as dit, ouais, mais le son sera pas bon parce que tout est en campagne. Ouais, c'est ça, November Child. Oui. Mais qui est sur ton disque aussi. Absolument. Oui, voilà. Absolument. Très belle chanson. Voilà. Et donc, non, j'en ai gardé un joli souvenir. Il faut la plus belle chose au monde, c'est la liberté. Il faut se battre, il faudra se battre jusqu'au bout. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour la liberté. Et plus que la mienne, celle des enfants et la vôtre. Voilà. Aucune concession. Vivre, c'est être libre. C'est... Il y a une chanson de Renaud qui dit « Vivre libre, libre, c'est souvent vivre seul, ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour ta gueule. » Il a bien raison. Ouais. Il a bien raison. C'est bon, hein? Oui, il a bien raison. Mais est-ce que l'écriture du nouvel opus va sentir un peu la recherche que tu as fait dans ta vie? Bien sûr, ça peut... Bien sûr. Alors, suite à ça, tu prépares des spectacles ou pas du tout? Quand le disque sera terminé, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir, ben, je referai des concerts. Les derniers concerts que j'avais faits se sont super bien passés, c'était très émouvant. Au petit théâtre de Ménilmontant. Ah oui, c'était génial. Je te conseille un endroit à une amie à moi, le Cénobar. Le Cénobar? Oui. C'est où ça? Tu connais pas, hein? Non. Je crois que c'est dans le 14e. Cénobar. Bah écoute, de toute façon, je le note c'est, le nom. C'est Christelle Maillard, qui est une comédienne de région qui a quitté sa région pour venir à Paris et acheter ce bar-là. D'accord. Le Cénobar. Le Cénobar. C'est extraordinaire. Tu peux même aller prendre une bière. Puis elle fait à chaque mercredi des auditions pour les spectacles à venir. D'accord. Et puis on a des belles péniches aussi dans lesquelles on peut jouer la Dame de Canton. Oui. Vas-y, tu peux continuer. Et tout ça. Ben écoute, non, je vais me renseigner. Ça serait avec plaisir. Oui. J'ai envie de reprendre la guitare après, bien sûr. Eh bien, le Cénobar, Ménilmontant, 6 rue Victor Le Taille. Eh bien, c'est pas loin de jouer au joli théâtre de Ménilmontant. C'est 80 places. Génial. Les gens prennent boivent, mangent, écoutent de la musique. Eh bien, écoute, ça sera... Le Cénobar. Et tu diras que tu viens de ma part. Absolument. Parfait. Absolument. Parfait. Il faudra que tu viennes. Oui, ben éventuellement. Il faudra que tu viennes, j'espère que tu vas revenir. Tu disais que tu voulais prendre ta retraite, ouais, mais... Ouais. Ah, il faut que tu reviennes nous voir. Ou alors, c'est moi qui viendrai te voir. Ah ouais, mais... On verra. Voilà, autrement, c'est moi qui viens te faire un coucou. Est-ce que dans cet album-là, c'est les mots qui ont amené... est-ce que c'est les mots qui ont amené l'idée ou les idées qui pouvaient amener les mots? Dans tes textes C'est plus quelque part à la base, c'est plus la musique. c'est plus la musique. C'est une belle amie, elle me parle beaucoup. Et c'est très étrange la composition. Chacun aborde la composition comme il peut, mais moi j'ai toujours l'impression que bon, je travaille sur la musique, si tu veux vraiment, là c'est plus le travail, et la musique va chercher ailleurs. C'est comme si elle déployait une antenne et qui m'amène des choses. Voilà. Alors évidemment, il y a des sujets qui me sont chers, il y a des sujets au cours. L'enfance, surtout. Au cours desquels je tourne toujours, ouais. Tu vois. Lesquels? L'enfance. L'enfance. Oui, ça c'est. Ouais. Mais c'est pas nécessairement la tienne, c'est l'enfance en général. Oui, et puis la sienne. Moi je pense qu'un artiste est un enfant, toujours. Et je pense que je. Si la vie le permet. Même très très très vieux, je serai toujours cet enfant-là. Je suis toujours cet enfant-là. Il est plus que vivant. Il est plus que vivant, il est toujours là. Les artistes sont des enfants. Est-ce que la société essaie de nous tuer cet enfant-là? Oui, absolument. Regarde ce qui nous entoure, c'est cynique, c'est cupide. L'enfant n'est jamais cupide. L'enfant est émerveillé. Tu parlais tout à l'heure, une chose que j'ai dit tout le temps, c'est si vous voulez me suivre dans ma musique ou dans mon histoire d'OVNI, il faut garder absolument sa capacité d'émerveillement intacte. Et ça, les enfants sont émerveillés. Moi, je m'occupe de mes deux petits choux à moi. C'est des enfants? C'est ma nièce et mon neveu. Ah oui, ben c'est pas grave. Et ce sont mes enfants. Ce sont aussi mes enfants, ma Colette et mon James. Et je les regarde et ils sont émerveillés partout. Tous les émerveillent. Ce que tu veux, toi, c'est la transmission. Oui. Je m'en occupe à donf et je leur transmets plein, plein de choses. plein de choses. Je suis un tonton gâteux et fou d'amour. Ce sont mes plus beaux cadeaux. Et vous êtes au même niveau. Donc, ouais. Il n'y a pas vraiment de... Absolument. Absolument. On parle la même langue, on a le même regard. Ouais. On a le même émerveillement sur les animaux, sur la nature, sur tout ce qui nous entoure, sur la vie, sur le besoin d'amour. Ils savent une chose déjà, ils savent que tout ce qui n'est pas fait par amour n'a aucun intérêt. Et ça c'est grandiose. Et ils ne jugent pas, ça c'est bien. Non, aucun jugement. C'est comme mon chien, il ne me juge pas. Alors, si je parle de ça, je vais pleurer, parce que moi j'en ai eu un pendant 15 ans, je l'ai perdu et j'ai pleuré, donc c'était un quoi? C'était un coton de Tuléar. Ah oui? C'était un coton de Tuléar. Ma soeur voulait un toutou, et puis un jour, on va dans un élevage, et puis j'ai vu ce petit coton qui était tricolore. C'est quoi, c'est une boule, ça? Ouais, c'est un... Mais c'est pas très gros. Ah oui, ok. C'est quand même... C'est un bichon très rustique, tu vois, parce que c'est un petit chien rustique, hein. Ça vient de Madagascar. On n'en trouve pas au Québec, hein. Vous n'avez pas de coton? Vous n'avez pas de coton de Tuléar? Ben, ça me dit rien. Ah, peut-être que le voyage de Tuléar au Québec, c'est un peu loin. There were jokes, there was laughter always. Many people and days, it's all over today. Baby Jane dances like a rag doll, nothing could bring her down. She's alright, floppy dress and wigs to walk around. You get off the ground, get ready for the fray. Blow a kiss, peekaboo and be yourself. Forget the pain and the rain. Be alright. And the sun will rise up here one day. Fish belly pale on Sundays. No more lonely days. Baby Jane dances like a rag doll in the land of nuts. She's alright. Broken dreams in a world of fairies. Broken dreams and the queen of hearts. I've lost the pride. But her tears are like candy, and her lips are so rosy.